Votre nom et votre prénom. Bosino Paul. Votre date de naissance. Le 2 mars 1992. Votre adresse. 5 rue du Parc, à Nantes. Mais votre prénom, c'est Marc, non ? Non, Marc, c'est le prénom de mon frère. Ah bon ? Et sa date de naissance ? Le 2 mars 1992. Mais c'est la même date de naissance. Oui, on est jumeaux. Ah ! Je comprends. Et son adresse ? 5 rue du Parc, à Nantes. Ah, mais c'est la même adresse. Eh oui, on habite ensemble. D'accord. Désolé, la convocation, c'est pour votre frère. Pas bon ?